Sky, Maliano et toute mon équipe. Algérie, Mali, la victoire et la réussite. Zaref, c'est mon frère, rien que tu m'as fait plaisir. Les jaloux et les envieux, rien qu'ils attrapent une crise d'épilepsie. En course, poursuite avec les keufs, on se tape des barres de rire. En commissariat, rien que ça pique grave que de la ventoline. J'en place une Abdel à Samar Abdelkrim. J'oublierai jamais les soirées avec vous et les délires. Numéro 1, passe ton jusqu'à la mort. Dédicacé à Marseille, au quartier Nord. City Pellabès, Marnia et Oujda. Algérie, Oran et Warlan. T'es speed, t'es chelou, t'as pris un halwa. J'suis avec mes potos, Shoya avec Shakira. J'pote pas, fais de l'oseille, pense à la mama. Un déco jaloux, y'a que ça. Marseille, quartier Nord, triant de la Lerga. C'est la hella. Des dégâts. Marseille, Mariano, c'est la hella. Là d'où l'on vient, on côtoie que des frégats. Marseille, quartier Nord, triant de la Lerga. C'est la hella. On vient foutre des dégâts. Marseille, Mariano, c'est la hella. Là d'où l'on vient, on côtoie que des frégats. Tous ces langues de putain qui vont jacter sur moi, qui vont dire oh là là, il a kické avec Marseille, putain. Petite parenthèse pour les petites salopes du net. Petit PD, petit bâtard, on fait qu'avancer. Par contre, t'es minique avec moi, c'est la machette, ou bien c'est la gâchette, ou bien c'est la fourchette dans la gorge. Tu vas trop loin comme le mouton en dégorge. Parole du malien, tu voulais du sale, tu voulais du sale, tu voulais du maliano, tu voulais du morsaï, ça y est la famille, la tétis et Hani mon gars. Il faut pas se mentir, bon dans l'autre sens c'est la lerga. Pas ma pro soldat, pas ma pro soldat, ma fille à soldat, car c'est nos soldats. Dans mon secteur on n'a pas peur, que du bon Dieu on a peur. Marseille, quartier Nord, triant de la lerga. C'est la hella. On vient foutre des dégâts. Marseille, Mariano, c'est la hella. Là d'où l'on vient, on côtoie que des frégats. Marseille, quartier Nord, triant de la lerga. C'est la hella. On vient foutre des dégâts. Marseille, Mariano, c'est la hella. Là d'où l'on vient, on côtoie que des frégats. En PM, double de pied, j'largue Julie, let's go. BMW, j'fais un clin d'œil à ton cisco. Vroom, j'ai marre en enculant les chevaux fisco. Nargement du terre-terre, va te faire bouffer tes chicots. J'vais relever le niveau, man, c'est du lorry si ça crame. C'est qu'à Maliano, Marseille, dans les alentours, on préfère le cuir au velours. Mentalité de son art, la nuit comme le jour. Ouais, écoute, sous vodka monster, y'aura pas de mystère. Moi j'nique tous les stars ainsi que les putes de hamster. Pour le son du terre-terre, car j'remets le parquet au taquet. Ouais, j'garde l'épée sur terre, puis sur le parquet. On unique sa mère le parquet, MC envoie de la paquet. Sauf que j'sois productif, inactif dans les débats stériles. Genre télévisé sur tes deux LG. Que ça. Marseille, quartier Nord, triant de la Lerga. C'est la hella. On vient foutre des dégâts. Marseille, Mariano, c'est la hella. Là d'où l'on vient, on côtoie que des frégats. Marseille, quartier Nord, triant de la Lerga. C'est la hella. On vient foutre des dégâts. Marseille, Mariano, c'est la hella. Là d'où l'on vient, on côtoie que des frégats. Terre, terre, solidaire, parfois communautaire. Dans cette vie, je veux pas me sentir comme me menotter. Connexion Marseille, Paname pour tout niquer. Pas le temps, faut agir avant que ça se dégrade. Fais-moi la passe, je te la remets en profondeur. Mon centre de formation, c'est le ghetto. Africain, on te la met au fond comme Eto. Je sais d'où je viens, où je vais, ça c'est mon problème. N'écoute pas ceux qui veulent détruire tes rêves. Une jeunesse talentueuse, dans le rap que des tueurs. Parle pas, pas derrière, oui t'arriveras que des malheurs. Souhaite à ton prochain que du bonheur. Moi perso, je m'occupe de ma life comme je m'occupe de mon perso. Personnellement, j'écris sous bon. Je dégaine aussi vite comme cet enculé de James Bond. L'esprit, je la fume comme ce dandada d'Ambéli. Marseille, quartier Nord, triant de la Lerga. C'est la hella. On vient foutre des dégâts. Marseille, Mariano, c'est la hella. Là d'où l'on vient, on côtoie que des frégats. Marseille, quartier Nord, triant de la Lerga. C'est la hella. On vient foutre des dégâts. Marseille, Mariano, c'est la hella. Là d'où l'on vient, on côtoie que des frégats.